Et tout de suite sur Radio Duo, c'est qui ou quoi. Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue, et oui, bienvenue, c'est dans la première émission de la troisième saison de Qui ou Quoi sur Radio Dio. C'est la rentrée, et donc je suis très content de retrouver le studio et le micro de Radio Dio pour continuer à vous parler de livres pour cette troisième année. Au menu de cette année, c'est comme un peu les autres années, mais en mieux, toujours mieux, on l'espère. Alors, il y aura Vincent qui reviendra, Tiffen aussi, et je vais essayer d'en faire venir d'autres, d'ailleurs, des Greg, des Linda. L'équipe va s'étoffer un peu, et puis on aura peut-être la visite de quelques invités, on verra ça. Bref, que du beau monde sur cette belle radio de qualité. Un peu d'autopromo ne fait pas de mal. Comme les années précédentes, pas vraiment de ligne éditoriale dans le choix des livres dont on va vous parler ici. On n'a vraiment pas le temps de tout lire, loin de là, donc ce sera à mi-chemin entre les livres qui m'obsèdent moi et mes invités. Pour moi, je vais parler que de moi, donc en gros c'est de la BD, de la SF, des livres de musique dont je ne parle jamais assez à la radio, et puis différents livres que j'ai envie de lire et qui viennent de sortir mais que je ne peux pas forcément lire parce que j'ai une trop grosse pile de livres à lire à côté de mon lit. Et puis voilà. En attendant que se réalise ce beau programme, ce soir, je vais vous parler de mes lectures d'été. Ça semble un petit peu loin aujourd'hui, mais bon, c'est quand même un peu... c'est la rentrée, quoi. Trois livres que j'ai lus cet été, qui correspondent à peu près à ce que je viens de dire, mais alors vraiment de très loin, et qui rajoutent même un peu Télérama à la liste. Je vous expliquerai ça, parce qu'au final, ce sont des livres dont ils ont parlé dans Télérama. Donc, trois livres qui parlent aussi... Enfin, qui partent du même postulat, ou en tout cas ça intervient dedans, c'est le deuil des parents. Ce soir, je vous parle de « À jeter sans ouvrir » de Vive Albertine, de « Dites-lui que je l'aime » de Clémentine Autain, et un tout petit peu de « My My » de Aki Shimazaki. Donc, qui ou quoi spécial Télérama, c'est parti. Le premier livre dont je vous parle ce soir... Il s'appelle donc « À jeter sans ouvrir » de Vive Albertine et c'est sorti chez l'éditeur Buchet-Chastel, qui est un petit peu dur à dire. Donc, commençons par l'histoire de « À jeter sans ouvrir ». Alors, c'est tout simplement Vive Albertine, donc l'auteur, qui va nous raconter la mort de sa mère, le deuil qu'elle a dû en faire par la suite et au passage... Elle va en raconter sa vie de tous les jours, sa vie amoureuse de femme de 50 ans, sa jeunesse d'enfant divorcé, et puis les secrets de famille qu'elle a pu découvrir dans la foulée de la mort de sa mère. Petit retour sur la biographie de Vive Albertine. Donc Vive Albertine, c'est une écrivaine anglaise. Son premier fait d'armes, avant d'être écrivain, c'est d'être l'ex-guitariste du groupe Les Slits, du groupe punk Les Slits. Pour sa bio, en fait, je vous renvoie à deux choses. La première, c'est les disques, les disques qu'elle a fait avec les Slits et aussi en solo. Les disques des Slits qui sont particulièrement parfaits et qui sont une photographie parfaite de ce que pouvait être le punk à l'époque. Le deuxième élément auquel je vous renvoie, c'est celui-là, vous aurez beaucoup plus d'éléments biographiques par rapport à la musique, mais c'est son premier livre qu'elle a sorti il y a maintenant quelques années, qui s'appelle « De fringues, de musique et de mecs », qui est en fait purement et simplement son autobiographie. Donc là-dedans, bah, elle parle de sa jeunesse, elle parle du punk, et puis elle parle de après le punk, comment on vit après avoir vécu la tornade punk de l'intérieur. Donc dans ce livre, tout y est, hein, de l'adolescence un peu bébête au punk vu de l'intérieur, mais vraiment comme vous le trouverez dans très très peu de livres, c'est un exemple qui me vient comme ça assez en premier quand j'y pense, c'est en fait un très beau portrait de Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, là où tout le monde dit que c'était juste un gros junkie complètement bébête. Là, on a un vrai portrait très humain et très très beau de Sid Vicious qu'on a vu nulle part ailleurs. Et puis dans ce livre, il y a aussi un truc qui est très important, c'est la vie après le punk, parce qu'on documente souvent ce qui s'est passé pendant la période, les Sex Pistols et les Clash, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on devient après ? Et ça, c'est vraiment important. Ce premier livre, en fait, je m'attarde un peu dessus parce que moi, je trouve que c'est un livre super beau. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans l'émission au cours de la première année. Et je vous avoue que je ne peux pas me retenir d'en reparler. C'est un livre qui est très important pour moi et qui est en partie la cause de l'existence de cette émission. Donc, d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, normalement j'explique tout ça, ça doit être dans la troisième émission qui est disponible en podcast via le site de la radio. Ceci étant dit, vous comprendrez donc que j'attendais énormément le deuxième livre de Viva Albertine. D'autant que je ne pensais pas qu'il serait édité en français, les Silites ne sont pas vraiment le groupe le plus connu de la Terre. Ou même des punks tout court, hein. Le punk c'est quand même plutôt les Sex Pistols, alors que les Slits sont vraiment sur un créneau bien bien spécifique, assez expérimental, etc. Mais apparemment son premier livre, donc De fringues, de musique et de mecs, a été un petit succès en France. Il est même trouvable en livre de poche, c'est dire comme il a eu du succès, parce que tous les livres ne sont pas réédités en livre de poche une fois qu'ils sont sortis. Et je sais même que ce livre a été dans une liste de livres à acheter pour Noël dans Télérama, et ils en ont même parlé dans Elle. C'est dire le succès. Donc, très excité donc par la perspective que ce livre sorte en français. Et donc, est-ce que le résultat est à la hauteur de mes attentes ? Eh bien, je dois vous avouer que non. Et donc après ce petit blanc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je vais vous décrire, le livre est construit en fait d'une façon bien bien particulière. En fait, chaque chapitre commence par une partie en italique qui raconte petit à petit, donc chaque chapitre, le soir de la mort de la mère de Viva Albertine. C'est-à-dire, à chaque chapitre, on va avoir cette partie en italique qui va s'arrêter et qu'on retrouvera la suite au chapitre d'après. Et en fait, après, le reste du chapitre se déroule de manière aléatoire sur la vie de l'auteur. Il n'y a pas vraiment de cohérence sur temporelle ou quoi, c'est un truc qu'elle explique à ce moment-là, et puis après elle va revenir dessus, un coup c'est dans le présent, un autre coup c'est dans le passé, etc. Il n'y a pas vraiment de fil. En fait, la première partie de chaque chapitre, la partie en italique, est particulièrement haletante, parce que le récit de cette soirée dramatique rythme le livre quand les parties qui sont plus développées après sont pas forcément cohérentes, vu qu'elles vont de l'anecdotique au secret de famille quand on arrive à la partie qui justifie le titre. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que je n'aime pas spoiler, et en tant qu'il ou quoi, on est très no spoil. Donc, passer ces différents aspects sur la forme, en fait, de quoi parle le livre en particulier ? Donc, elle revient énormément sur le divorce de ses parents. Et en fait, elle fait une réflexion assez intéressante de type Rashomon. Alors, Rashomon, pour ceux qui... Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, hein, mais Rashomon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de Akira Kurosawa dans lequel deux personnes se rencontrent sous un porche et discutent d'un fait divers et, en fait, d'une femme qui s'est fait violer. Et le film, ensuite, se déroule en trois parties où on voit le viol vu du point de vue du violeur, le viol vu du point de vue de la violée et le viol vu du point de vue d'un témoin. Et les trois histoires sont différentes et la fin du film arrive. Désolé, là, je viens de dire que je voulais pas spoiler et pourtant je spoil Rashomon, désolé. Mais en fait, la fin du film, ben, il arrête de pleuvoir et les gens qui se sont retrouvés pour discuter de ce fait divers s'en vont chacun de leur côté sans démêler le vrai du faux et on ne saura jamais donc où est la vérité. Elle dépend quand même beaucoup du point de vue et c'est une œuvre assez forte, philosophique et vraiment excellente qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, dans le livre, elle fait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'elle va s'attarder sur le divorce de ses parents en essayant de détailler le point de vue de sa mère et le point de vue de son père. Et nous laisse en fait en qui a raison, qui n'a pas raison, ça c'est une histoire de séparation. Est-ce que tout le monde se rappelle de la même chose, du pourquoi, du comment, de comment ça s'est passé, quelle place ça a tout ça dans l'histoire de la séparation, etc. Et c'est cette réflexion-là qui est quand même, à mon sens, au cœur du livre. Et puis, il y a d'autres questions, mais qui sont traitées de manière un peu plus anecdotique et qui traversent le livre. Il y a comment l'auteur s'est construite en tant que femme dans un monde d'hommes avant 1977, où a-t-elle puisé la force d'être féministe à l'époque et aujourd'hui, etc., etc. Je dois avouer que j'ai dévoré le livre, vraiment. J'étais tellement content de retrouver cet auteur qui m'avait vraiment marqué dans son livre précédent. Et puis le rythme de cette fameuse soirée dramatique qui rythme tous les chapitres, qui fait que le truc est enlevé. J'ai vraiment marché à fond. Certains thèmes, en plus, ont trouvé un écho assez fort en moi. Rashomon étant un de mes films préférés, j'ai vraiment cette histoire de qui ressent quoi, où est la vérité, etc. Je trouve ça vraiment très très fort. Mais je n'ai pas été convaincu plus que ça. Parce qu'en fait, même si une personne qui se dévoile autant peut toucher, en fait, le livre, dans la façon dont tout ce qu'il est mélangé, dans tout ce qu'il mélange, il finit par être anecdotique, en fait. Il n'en reste rien. À la fin de la lecture, je me suis retrouvé obligé de comparer avec le livre d'avant, là où en fait ce livre il a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et il m'avait donné de la force. Là, je me suis retrouvé dans un livre un peu convenu au final, parce qu'une histoire de séparation et puis sa vie d'aujourd'hui, c'est la vie d'un peu tout le monde. Alors bien sûr, je m'attends pas à ce que ce soit une super héroïne, mais j'en attendais un truc différent en fait. Parce que même si justement elle avait fait partie du punk, mais elle était un peu tout le monde, elle avait réussi à transcender un peu tout ça, et c'était vraiment, vraiment fulgurant, quoi. Et là, pour le coup, des fulgurances, il en reste quelques-unes, mais pas assez pour que le livre me marque et que je l'achète en 3 exemplaires comme celui d'avant. Donc le titre « À jeter sans ouvrir », des mauvaises langues vous diront que c'est peut-être le titre est bien choisi, moi je pense pas, mais en tout cas il n'est pas indispensable du tout, et je vous avoue que c'est bien dommage. We'll be right back. costs so much, it costs so much. Betraying the pledge, it costs so much, it costs so much. But now we're ready to spend, we're ready to spend. Slow avec le morceau Now you are ready to spend. Alors même si en fait, excusez-moi, donc vous êtes toujours sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur Radio Dio sur le 89.5. C'est l'émission de rentrée qui a commencé un petit peu en retard, comme d'habitude. On va essayer de corriger un petit peu ça. Et donc là, je vais vous parler d'un second livre, d'un deuxième livre en fait. Alors je ne vais pas du tout vous parler du dernier livre d'Yves Cochet, ça risque pas, parce que je risque vraiment pas de l'acheter. Mais le deuxième livre dont je vais vous parler, bon, à mon sens un peu plus intéressant, on va bien voir ce que ça donne. Ça parle aussi d'une maman morte, mais pas de la même façon du tout. Il s'agit du livre de Clémentine Autain, « Dites-lui que je l'aime ». Donc le deuxième livre dont je vous parle ce soir, c'est « Dites-lui que je l'aime » de Clémentine Autain, paru chez Grasset. Alors je vais commencer par l'histoire, en fait ça va être assez rapide, parce qu'en fait l'histoire il n'y en a pas vraiment, en fait c'est pas un roman, c'est pas une fiction avec un héros, un truc comme ça. En fait ce livre qui est assez court, c'est une espèce de lettre de Clémentine Autain à sa mère morte lorsqu'elle avait 12 ans de divers excès. L'auteur, en fait, commence le livre en décrivant un peu sa démarche, pourquoi elle a écrit ce livre, et puis elle en profite pour dérouler ce truc et nous raconter en filigrane son enfance avec une mère défaillante mais célèbre. Donc petit retour sur l'auteur, Clémentine Autain, qui est un petit peu connue, en France du moins. C'est une femme politique qui est affiliée à la France Insoumise aujourd'hui, après être passée un petit peu par pas mal de trucs, un passé de militante, elle a été au PC, elle a été journaliste sur France Culture, c'est là d'ailleurs que je l'ai connue personnellement. Elle donnait un peu le change à des chroniqueurs qui en avaient bien besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux. Et c'était très bien à l'époque. Ce n'est pas une romancière, même si elle a fait beaucoup de livres. Elle a fait surtout des livres militants, des livres féministes contre le viol, des livres... Enfin, contre le viol, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà. Elle a fait des livres anticapitalistes, tout ça en accord avec son histoire personnelle ou ses prises de position politiques. Revenons en fait au livre, en fait, le fameux « Dites-lui que je l'aime » du titre en fait, qui s'adresse à la mère de Clémentine Autain. Parce que sa mère, en fait, c'est une actrice qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle Dominique Lafin, qui a eu son heure de gloire en fait en même temps que Patrick Devers, mais que l'histoire du cinéma français a complètement oublié. D'ailleurs, dans le livre, il y a un parallèle entre les deux carrières, et c'est vrai que c'est assez fou, parce qu'autant on se souvient de Patrick Devers, autant de Dominique Lafin, moi j'en avais jamais entendu parler. Le « Dites-lui que je l'aime » en fait est un livre très intime. En fait, Clémentine Autain, à travers cette histoire, enfin l'histoire qu'elle nous décrit, en fait, elle va en quelque sorte régler ses comptes avec sa mère, qui ne s'est pas très bien occupée d'elle. Alors c'est vrai que c'est quand même un peu les trucs qui ressortent un peu du livre, c'est que y a pas mal de choses qui l'ont amené à être un petit peu traumatisé et à presque renier sa mère. Et elle nous prend en fait à témoin dans son livre pour apaiser sa colère et essayer de restaurer son lien avec sa mère décédée. Le livre est assez touchant en fait, l'histoire est touchante, en plus la façon dont c'est écrit c'est limpide, c'est pas empoulé, c'est pas de la grande littérature, mais c'est pas non plus trop relâché en mode autobiographie faite par quelqu'un d'autre, on sent que c'est vraiment elle qui l'a écrit et que c'est vraiment quelque chose de vital qu'elle avait besoin de sortir. Ça se lit d'une traite, en plus bon, ça contient son lot de traumatismes hein, qui sont pas glauques, je tiens quand même à le préciser, mais qui font vraiment pas envie et qui font qu'on a vraiment énormément d'empathie envers Clémentine Autain et même vis-à-vis de sa mère, malgré tout ça, parce qu'on finit par comprendre et enfin voilà, l'empathie est très très forte. J'ai pas envie ici non plus de vous spoiler, je vais pas vous raconter Rashomon une seconde fois, parce que voilà, mais... En plus, les détails, en fait, ça c'est un petit peu dommage, mais tous les détails qui sont dans le livre, eh ben en fait, même si d'une manière un peu curieuse, vous vous dites « Ah tiens, j'ai vu une vidéo sur YouTube où on voit Clémentine Autain qui vient parler de son livre », et en fait, les chroniqueurs passent un malin plaisir à justement revenir sur les trucs un petit peu traumatiques qui sont dans le livre, comme si, en fait, ils avaient besoin de ça pour appâter le chaland. Elle a fait beaucoup de plateaux télé, pour le coup, toutes ses vidéos sont assez faciles à trouver. Mais je vous encourage à lire le livre avant d'aller voir ses vidéos. Mais malgré tout, une fois qu'on a lu le livre, en fait, on se pose quand même la question de l'intérêt d'exposer à ce point sa démarche. Pourquoi, en fait, Clémentine Autain avait besoin de partager avec les lecteurs ce truc, parce qu'en fait c'est sa démarche perso, elle aurait très bien pu le faire dans son coin, et c'est vrai que bon, ça permet de replacer sa mère sur la carte de l'histoire du cinéma français, mais bon, Après, ça la réhabilite un petit peu, mais en même temps, moi qui ne la connaissais pas, ces phrases que j'avais pas besoin de qu'on la réhabilite, vu que je la connaissais pas, donc et que je connaissais pas ces phrases, j'avais juste besoin qu'on me parle d'elle en fait. Et puis même au final, après avoir lu le livre, je me souviens toujours pas dans quel film elle a joué. Je me souviens, je sais juste que cette personne a existé et qu'elle avait l'air talentueuse et que c'était la mère de Clémentine Autain. Au final, le livre n'est pas du tout désagréable, hein, mais il reste en fait un peu anecdotique. En fait, je suis contemporain pour Clémentine Autain du chemin qu'elle a fait, mais c'est quand même le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est un peu comme mes parents me disent des fois, hein, bah, si t'es content, je suis content. Bah, j'ai envie de dire ça à Clémentine Autain. Si t'es contente d'avoir écrit ce livre, tant mieux pour toi, mais ça reste quand même un petit peu anecdotique. draußen in mein Bernsteinzimmer. Lass ich euch allein. Seht zu, dass ich selber Land gewinne. Je me fais bien rigoler tout seul. En fait, je viens de vous passer un morceau en 33 tours alors que c'était en 45. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le repasser, mais on va quand même essayer d'écouter la fin. C'est vraiment complètement raté. Bon, c'était donc ANBB avec le morceau Bernsteinzimmer. Je pense qu'on va être obligé de réécouter la prochaine émission parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Je me souviens avoir déjà fait la même chose avec ce disque chez moi et m'être dit « Oh là, c'est quand même un peu lent ». Mais bon, je suis content de l'avoir partagé avec vous. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Je voulais aussi vous parler en fait de My Mai de Aki Shimazaki, qui est paru chez Actes Sud, qui parle d'un jeune homme sourd qui, suite à la mort de sa mère, une fois de plus, va découvrir qu'il est adopté et qu'il veut se marier avec sa et qu'il veut se marier avec sa sœur en fait. Et puis en fait, voilà, je vais juste vous dire ça quoi, parce qu'en vrai, c'était tellement anecdotique que j'ai presque dû aller voir sur internet le résumé, tellement le livre m'a peu marqué et que je ne m'en souviens pas. C'est le genre de livre qui est un équivalent de film parisien. Un nombriliste, un peu caricatural, un livre tellement convenu qui ne plaît un petit peu que au lecteur de Télérama. Bon, j'avoue, c'est un peu méchant, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. A priori, je préfère encore regarder Demain nous appartient sur TF1. Donc voilà, au final, eh ben, cette première émission de l'année de Qui ou Quoi, je n'ai parlé que de livres qui ne m'ont pas plu, et en plus j'ai été méchant. C'est dommage, et je ne le referai plus, parce que je n'aime pas être méchant au final. C'est pas très intéressant, on n'a qu'une émission toutes les deux semaines, et donc il n'y a pas vraiment de raison de parler que de trucs pas cool. Maintenant j'étais obligé de vous parler du Vive Albertine, parce que vraiment, je vous encourage à lire, relire, reacheter, offrir son premier livre de musique de fringues et de mecs, d'autant que, comme j'ai dit, il est sorti en livre de poche. Sinon, demandez-le moi, je l'ai en 3 exemplaires chez moi. Donc, au final, je retiendrai quand même un petit peu le dernier livre de Vive Albertine, le fameux « À jeter sans ouvrir » qui vient de paraître, bon, parce que je suis fan, et puis parce que c'est la meilleure malgré tout, même si bon, ça marque moins, et il reste bien. Les autres, eh bien, tant pis, Clémentine Autain, dites-lui que je l'aime, si vraiment vous n'avez que ça à lire. L'autre, j'ai déjà oublié le nom, voilà. Fermons là cette parenthèse de ces livres de l'été qui n'étaient pas forcément très très bien, et vivement la prochaine émission dans 2 semaines. Bonne soirée.